C'est ma moitié, c'est mon bébé. Toujours avec moi, hiver comme été. Seul avec mes problèmes, j'ai trop de fierté. Mais elle peut pas s'empêcher de venir m'aider. Elle est pas matérialiste. Des meufs comme elle, y'en a pas, faut rester réaliste. Une écharpe suffit, elle pour moi, elle prend des risques. Et même un titan peut se faire rayer de la liste. Et même si je pars des mois, des années, je sais que mamie casse à m'attendre. Et même si je pars des mois, des années, je sais que mamie casse à m'attendre. Elle s'est cachée ses faiblesses, pour moi elle se fait blesser, mais un smile lui fait plaisir. Malgré la vie de la tête, moi je peux pas la délaisser ni la prendre de vitesse. Si t'es pas là, c'est plus la peine d'être moi. Si t'es pas là, c'est plus la peine d'être moi. Dans mon château, toi t'es la reine des rois. Dans mon château, toi t'es la reine des rois. C'est toi. C'est faire preuve de douceur, m'en fait voir toutes les couleurs. J'suis fan de son côté féline. A eux, elle leur fait tous peur, j'peux pas comprendre leur douleur. Moi je trouve que c'est trop sexy. Et j'apprécie même quand elle bombe. Fais la dure, mais trop lève sûr si tu tombes. Quand vient la nuit, j'te dis pas. Dans le lit, elle fait des trucs de ninja, man. C'est mon âme sœur, t'as peur une relation mystique. On se connaît trop par cœur, comme Zampa, Koto, Shinigami. A deux, on finit à vie. Si tu meurs, je meurs, on se retrouvera à la Soul Society. Ma petite Konoichi à moi. Ma petite, c'est ma petite Yoroichi à moi. Si t'es pas là, c'est plus la peine d'être moi. Si t'es pas là, c'est plus la peine d'être moi. Dans mon château, toi t'es la reine des rois. Dans mon château, toi t'es la reine des rois. C'est toi. Je vais sécher tes larmes, on sera pas comme ces couples qui se font de la peine. Oh ma belle, je vais sécher tes larmes. Mais si ce soir je suis pas là, c'est que le petit frère m'appelle. T'as soigné mes plaies, t'as soigné mes automails. Tu me fais même oublier mes cauchemars de la veille. Oh ma belle, pour la liberté je milite. Je t'échangerai jamais, toi et moi c'est trop alchimique. Je cherche ma pierre à l'autre bout du monde. J'éteindrai le soleil pour que l'on marche à l'ombre. Je voudrais que tu me pardonnes, des fois je suis un peu tête en l'air. Quand je reviendrai, on prendra le temps de s'allonger dans l'air. T'es ma winery. T'es ma perle rare, j'aperçois tes mèches blondes quand je suis perdu dans le noir. Je suis pas fort en amour, obligé d'être vaillant. Je te donnerai ma vie en guise d'échange équivalent. Si t'es pas là, c'est plus la peine d'être moi. Si t'es pas là, c'est plus la peine d'être moi. Dans mon château, toi.